Chapitre 40e, Confidence. Celui qu'il prénommait encore Deser était calme, conscient de ce qu'il avait fait. Dutilleul fut soulagé de voir qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur les aveux contenus dans la lettre. Ainsi, il pourrait gagner du temps et peut-être retourner aux Tournelles. Il choisit à dessein d'écourter les préambules. « Tu es Deser ?»« Oui, monsieur. » »« Qui est Berthelot ?»« Carlo Simeoni ?»« Oui, monsieur. » »« Simiane, c'est bien Philippe Touvenot ?» Oui. Bobin, Olivier Duterron, et Pardet, Éric Rougemont. Oui. Très bien. Tu reconnais donc avoir, avec la complicité de Berthelot, assassiné Agathe Grimbert. Oui, mais il est aussi Simiane. Il ne faut pas croire, il la connaît aussi fort que nous. Pourquoi précisément Agathe Grimbert? Ben, je ne sais pas trop. Terminal voulait une action d'éclat, un test, en quelque sorte. C'était une proie facile. Elle avait des habitudes régulières et sa maison était en retrait des autres, alors on ne pouvait pas nous voir. En plus, on a attendu que le jour soit complètement tombé avant d'agir. Qui a repéré la cible? Galtier. Parce qu'il était externe? Oui. Il pouvait rentrer manger chez lui le midi, alors c'était facile. Ça ne l'a pas gêné d'envoyer une vieille dame à l'abattoir? Oh, mais il ne le savait pas. Terminal lui avait juste demandé de trouver une baraque un peu isolée. Valait mieux en dire le moins possible avec lui, c'était un faible. Tu me l'as déjà dit. N'empêche que cela a dû lui faire un drôle d'effet de voir torturer cette pauvre femme. Ben en fait, pas vraiment. Dutilleul ne put s'empêcher de le regarder avec une certaine surprise. L'adolescent, voyant que son interlocuteur ne suivait pas, se reprit. Comprenez, il était shooté à mort. Il avait pris ses précautions. Il n'était quand même pas assez con pour penser qu'on allait se contenter de chanter une berceuse à la vieille. Alors il s'en était mis une bonne dose dans le nez. C'est en le voyant que j'ai compris qu'il se camait et que j'ai commencé à m'interroger grave sur le choix de Terminal. Il avait vraiment déconné à plein tube en le recrutant, celui-là. C'était un danger, ce mec. Une fois qu'on en a eu fini avec la vieille, il s'est littéralement jeté sur son sac. Je n'avais jamais vu une telle frénésie. Il était en train de péter les plombs. Je savais très bien à quoi il pensait, ce connard. Alors je me suis grouillé d'appeler Berthelot à la rescousse. Il n'était pas question de le laisser se tirer. On a eu un mal de chien à le maîtriser. Il était comme fou, en plein délire. Il hurlait comme un malade. Mais heureusement, Berthelot était assez fort. Il lui a filé un bon coup de poing dans la gueule pour le calmer, et il est parvenu à lui faire lâcher la carte bleue. Malgré tout le saccage, j'ai réussi à dénicher une paire de ciseaux. Et j'ai pris bien soin de découper la carte devant lui. Je n'en ai pas honte. Il pleurait comme un gamin. Il m'écœurait. Aucune dignité. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il fallait qu'on s'en débarrasse. Il présentait un trop grand risque. J'ai tout de suite compris que Berthelot partageait mon point de vue. Son regard était sans ambiguïté. J'ai franchement regretté d'avoir tabassé Dacroux, parce qu'il n'aurait pas hésité à lui régler son compte proprement. Il n'était pas lâche, lui. Il adhérait complètement à notre action alors que Galtier... Vraiment, je me demande bien ce qui a pris à Terminal de l'intégrer au club. Pour ma part, je l'ai jamais trop senti, ce mec. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Il n'avait même pas des résultats super. Alors franchement, c'était insultant pour nous. Pour nous admettre au sein du club, Terminal avait mis la barre très haut parce qu'il disait, et je pense qu'il avait raison, que cela nous rendait moins détectables. Nous avons tous joué le jeu sans discuter, seulement, quand il a soudain changé les règles pour Galtier, je crois que personne n'a compris et encore moins accepté la chose. Il ne fallait pas tout de même trop nous en demander. Qui a liquidé Galtier? Je n'en sais vraiment rien. Terminal n'a pas eu recours à nous. Pourtant, c'était visiblement dans vos cordes. Ouais, on aurait pu régler ça entre nous sans que cela gêne. Seulement, on avait dû liquider Dacroux avant, alors Terminal a dû avoir peur. « Tiens donc, ça lui arrive. Il faut croire. » Puis l'histoire de la surdose n'était pas si conne, cela aurait pu passer. Cela a effectivement marché, dans un premier temps. Revenons à Dacroux, voulez-vous? Pourquoi l'avoir liquidé, celui-là? Il semblait pourtant être une bonne recrue. Sûr, ce n'était vraiment pas un enfant de cœur. On voyait qu'il avait déjà eu des ennuis auparavant, et que cela ne lui avait pas fait grand-chose. C'était un dur, un vrai... pire que Simiane dans son genre. Il n'avait peur de rien, ni de personne et surtout pas de Terminal. Très vite d'ailleurs, il a commencé à râler. Il ne trouvait pas ça normal. Il disait que c'était trop simple de diriger de loin. Terminal décidait de tout, mais ne se mouillait jamais, que jamais on ne saurait qu'il était impliqué. Au début, Dacrou ne disait trop rien, parce que je pense qu'il a pris le temps d'observer comment cela se passait. Seulement, très vite, il a changé. Il ne marchait plus. Il n'était pas question pour lui de liquider quelqu'un de sang-froid, même pour les beaux yeux de Terminal. Il trouvait que ça allait trop loin. J'aurais dû comprendre à ce moment-là qu'il avait raison, que les risques n'étaient pas équilibrés. Dès lors, Dacrou a fait machine arrière. Il a refusé de se soumettre et c'est ce qu'il a perdu. Je me rappelle encore son expression quand je l'ai buté. Je crois qu'en fait, il me plaignait. Il n'a pas pleuré ni supplié. Je ne sais pas comment il a compris que c'était un piège. Berthelot lui a demandé de se déloquer. Il a pris tout son temps. Il le regardait bien droit dans les yeux, l'air méprisant, comme si nous n'étions que des pantins. Berthelot tentait de faire le mariole pour faire bonne figure, mais il était pété de trouille. Il connaissait la force de Dacrou. Si Dacrou avait décidé de se tirer ce jour-là, aucun de nous n'aurait été en capacité de l'en empêcher. Il était largement le plus fort d'entre nous. Seulement, il était fatigué de toutes nos conneries. Pour lui, nous n'étions que des fils à papa qui jouaient à se faire peur. Détruire la sœur l'avait profondément dégoûté. Ce n'était pas tellement l'acte en lui-même, c'était la gratuité, la pure méchanceté. C'est vrai que quand nous sommes entrés, il régnait une sorte de sérénité. On entendait l'eau s'écouler doucement. On a tous bu un coup, on était bien. C'est ce qui a dû faire réfléchir Dacrou. Pour ma part, je n'en avais rien à foutre. Je voulais connement me distinguer, comprenez? Je n'avais pas compris alors. Mon père m'a toujours reproché mon manque de maturité. Il disait que cela finirait par me rendre influençable. Il avait raison. Qui a ramené la voiture? Berthelot. Il n'a pas son permis, mais il se débrouille assez bien, surtout qu'il connaissait la route. Des amis de ses parents n'habitent pas très loin, et quand elle le peut, sa mère le fait conduire en cachette. Son père, lui, est inflexible. Il ne passera son permis que s'il a le bac. Je crois que c'est parce que lui-même n'a pas fait d'études. Les autres larrons, Bobin et Pardet, numéro 2, oh, eux, ce ne sont que des seconds couteaux. Bobin n'aurait même pas dû être là. Il n'était pas là pour casser. Du moins, ce n'est pas son rôle habituel. En général, on le charge de faire le guet une fois sur place. Ensuite, il doit dissimuler le matériel et les marchandises quand il y en a. Pourquoi alors est-il rentré avec vous? C'était une sorte de rituel entre nous. On avait l'habitude de partager une bière avant d'attaquer une action. Dans un second temps, Bobin prenait sa faction. Vu l'heure choisie, on ne risquait pas de croiser grand monde. Du moins, c'est ce qu'on a cru. Là, Desserts se mit à rougir violemment. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Que veux-tu qu'il se passe? On va te présenter un juge, tu vas être mis en examen, puis il va falloir prévenir vos parents. Je pense que cela ne va pas être une partie de plaisir. Ah oui, les parents. On dirait que pour toi c'est un détail. Non. Tu peux t'exprimer, tu sais. C'est pas moi qui vais te juger. Desserts sembla soudain se décider à poursuivre. Je trouve que c'est un peu facile pour eux, vous ne trouvez pas? Ils nous déposent comme des paquets dont en fait ils se débarrassent. C'est vraiment pratique. Plus de responsabilités, une chambre libre, pratiquement à l'année, et pendant ce temps, on peut s'éclater, rentrer tard, voyager. Bref, oublier qu'on a fauté. Nous, qu'est-ce qu'on récolte? Absolument rien. On n'est bon qu'à bosser et fermer nos gueules. Certains ici ne rentrent même pas pour les petites vacances. Heureusement tout de même que Madrier exige qu'ils, les parents, nous reprennent une fois l'an, car sinon nous serions bel et bien abandonnés. Alors pourquoi devrait-on se tenir à carreau? Parce que papa paye? C'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, vous ne croyez pas? Je n'ai jamais demandé à venir aux Tournelles, moi. Je n'avais jamais fait de conneries avant. Depuis quand es-tu scolarisé aux Tournelles? La 6e. Mon père m'a conduit ici un matin. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il n'était pas bien fier, croyez-moi. Il était incapable de me regarder en face. Surtout, il s'était bien gardé de me dire quoi que ce soit. Moi, comme un con, je n'ai rien vu venir. J'avais confiance. J'ai pleuré toute la nuit quand j'ai compris que je ne rentrerais pas à la maison. J'étais complètement déboussolé. C'était la fin du monde, on m'abandonnait. Heureusement, un surveillant a compris mon malaise et m'a consolé. Il a été le seul. Après, bien sûr, on s'habitue. On n'a pas franchement le choix, vous me direz. On finit par se faire des copains, mais dans son cœur, on n'accepte jamais cette trahison. Je me rappelle très bien quand je suis retourné à la maison pour la première fois. Ce n'était plus chez moi. Mes parents étaient devenus des étrangers, des gens petits et mesquins, que je voyais comme pour la première fois. Ma mère me regardait en chien de faïence. Je crois qu'elle avait un peu peur. Elle n'osait pas m'interroger. Jamais elle ne m'a demandé si je me sentais bien en pension, jamais. Quand elle parlait, cela sonnait cruellement faux. Quant à mon père, il s'enfermait dans son bureau le plus possible, comme s'il avait honte. C'était comme s'il cherchait à fuir. Il savait parfaitement qu'il avait mal agi. Alors il me parlait le moins possible. C'est à peine s'il parvenait à me dire bonjour, et jamais il ne me demandait comment j'allais, si la pension se passait bien. Très vite, j'ai compris qu'il n'en avait rien à foutre, que j'étais comme un dossier classé. Je peux vous dire que cela m'a fait très mal, surtout que jusque-là je n'avais jamais franchi la ligne. Je n'ai jamais été le genre à faire des conneries. Je ne posais pas de problème à l'école. J'étais toujours parmi les trois premiers. Il n'y avait même pas besoin de me pousser, parce que j'aimais l'école. C'est pour cela que je n'ai jamais compris leurs décisions. Je n'ai pas été le seul. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'ils ont cassé quelque chose en moi. Je n'avais aucun plaisir à être avec eux. C'est à cette époque que j'ai cessé de leur parler. Quand je rentrais pour les vacances, je passais mon temps dehors. Je ne supportais plus d'être enfermé. Le charme était rompu, je ne me sentais plus à ma place. Puis, très vite, venait toujours un moment où les tournelles me manquaient. C'est peut-être curieux, mais c'est comme ça. C'était ma vraie famille, le seul endroit où j'avais le sentiment d'être compris. C'est pour cela que je me suis efforcé de me faire inviter le plus souvent possible chez les copains de pension. J'avais besoin de reconstruire le petit monde des tournelles. C'est vrai que quand on parle de l'atoll, c'est rarement pour en dire du bien, mais en fait, elle nous manque très vite. Parce que comment partager quelque chose si les autres ne le vivent pas? Chaque bahut, quoi qu'on en pense, est une famille. C'est notre point d'ancrage, notre repère. Ôtez-nous cela et nous sommes perdus. Comme partout, il y a des gens qu'on aime, ceux qu'on déteste, ceux dont on se moque, souvent sans savoir pourquoi. Bien sûr, ce n'est pas souvent marrant parce que les tournelles n'ont rien d'un paradis. Ça pète de partout. C'est vieux, pas entretenu, mais c'est chez nous. C'est peut-être drôle à dire, mais en fait, je ne voudrais pas être ailleurs. Pourquoi ? Ben en fait, c'est tout simple. C'est parce que je sais qu'au bout du couloir, il y a des gens qui me connaissent et qui vivent la même galère. C'est sans doute très con, mais ça me réconforte. Dutilleul regarda longuement le garçon en face de lui. Ses dernières paroles ne pouvaient que trouver un certain écho dans son cœur. Lui aussi, en son temps. Il savait aussi qu'il ne pouvait verser dans la compassion, et l'exercice n'était pas des plus plaisants. Si seulement il n'y avait pas eu cette pauvre Agathe Grimbert. Il reprit alors l'interrogatoire. Il lui sembla avoir un cœur en plomb. Et une dernière question. Pourquoi avoir fait tout ça? Franchement? Oui, si cela ne te pose pas de problème. Desserres le regarda tristement. De toute façon, tout cela n'a plus grande importance, n'est-ce pas? Si tu veux savoir si cela changera quelque chose à ton sort, je ne le crois malheureusement pas. Bon, de toute façon, je m'en moque. Alors autant tout vous dire. Au moins vous, vous êtes réglo. C'était excitant. C'est ça la vérité. C'était comme un test, un challenge. Voir jusqu'où on serait capable d'aller. C'était de l'adrénaline pure dans la routine morne des tournelles. On voulait se surpasser pour être plus fort. On avait l'impression d'enfin exister. On attendait les journaux comme si ceci était une drogue. On parlait enfin de nous. On était fiers. Pourquoi m'as-tu écrit que tu tremblais? Ben à l'époque, je picolais pas mal, mais depuis j'ai arrêté. Tu auras réussi à prendre au moins une bonne décision. Maintenant, nous allons relire ta déposition. Tu peux corriger certains points si tu le veux. Je ne te cache pas que les faits risquent de t'enfoncer. J'espère toutefois que ta franchise te sera favorable, mais je ne peux hélas rien te garantir. Bon, ce n'est pas grave, je sais que j'ai merdé. En revanche, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour moi, coincé terminal, c'est inutile de me dire son nom, je sais parfaitement qui c'est. Desserres sourit, et le cœur de Dutilleul se vrilla un peu plus dans sa poitrine. C'était vraiment un très beau garçon qu'on allait envoyer derrière les barreaux. Il espérait qu'il ne serait pas envoyé dans un établissement trop dur, car sinon il n'avait pas fini de morfler. Plus il y pensait, plus cette affaire était du plus grand dommage, du gâchis le plus parfait. Le pire dans tout cela, c'est que même Madrier n'avait pas mérité ça. Le garçon signa sa déposition, puis on le fit sortir. Malgré l'heure matinale, Dutilleul se sentait déjà là, et sale, très sale. Les tâches d'aujourd'hui étaient de celles qu'il serait très difficile de faire partir. Même Mado, avec tout son talent,